8h07 dans le show Wake Up. Il est présentement 14h07. Wake Up, le show, la planète rocking.com vous parle. On a Alain Soral qui est au bout du fil. Il prend ça cool. Il s'assoit. Il a pris même le temps de choisir une position, j'espère. Enfin, comment vas-tu, Alain Soral? Ben, ça va, je suis allongé sur mon canapé. Et il est 14h07, hors local. Bon, explique-nous, je sais pas, j'ai reçu un courriel il n'y a pas longtemps, ça fait quand même, ça date du 25 février 2007, sur France 5, c'est bien ça, et il y a une entrevue, enfin, qui était supposée de prendre sur un plateau, est-ce que c'est bien ça, puis bang, on t'appelle, non, c'est terminé, on veut plus vous voir, enfin, quelque chose comme ça, et il y a un certain individu, à toi de nous le dire, qui t'a fumé un bon coup, là. Oui, oui, ben je suis un spécialiste maintenant de la désinvitation médiatique. C'est-à-dire que sérieux? Il y a des journalistes qui m'invitent dans des émissions, et puis je suis depuis quelques mois là, systématiquement désinvité au dernier moment. C'est un jeu un peu, donc chaque fois qu'on m'invite, j'attends la désinvitation. Alors j'ai été un des désinvités de deux fois de France 2, là j'ai été un des invités deux fois de la 5. Et la dernière fois, effectivement, je devais me retrouver face à comment il s'appelle, Besancenot. J'ai oublié son. J'avais oublié son prénom, le petit Besancenot de la LCR. Je devais lui porter la contradiction dans l'émission de Moati qui s'appelle Riposte, qui est une émission de bonne tenue politique. Et au dernier moment, il m'a fait désinviter. C'est-à-dire qu'il a dit que il a dit d'abord que si je venais, il me cassait la gueule. C'est un peu étrange pour un jeune intellectuel français comme ça, mais même s'il lui paraît qu'il est révolutionnaire, puisqu'il est membre de la Ligue communiste révolutionnaire, c'est un facteur fonctionnaire révolutionnaire. C'est pas mal, il est payé par l'État français pour le mettre à bas. C'est assez pratique. C'est assez incroyable, et on a remarqué aussi qu'il était loin de la trempe, là. Et c'est pour quand même te donner, c'est pour te faire le compliment, il est loin de ta trempe là aussi, là. Je l'ai écouté là, parce qu'il y a un extrait qu'on peut voir sur ton site, et j'ai remarqué que c'est plutôt une tête à claque que d'autres choses. Là. Ça, je te laisse la responsabilité de tes propos, mais c'est vrai qu'il a ce qu'on appelle exactement une tête à claque. C'est archétypal, ils l'ont bien choisi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a dit que si je venais à l'émission, il me cassait la gueule. On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Après, il a dit que si je venais, il venait pas. Donc vraiment, il voulait pas se retrouver face à moi pour débattre. Pourtant, moi, j'aurais débattu assez calmement parce que je suis pas hystériquement anti-Besancenot. Moi, tu vois, je voulais juste pointer certaines contradictions dans sa vision politique et dans son discours. Et puis ce qui est très inélégant, et ça commence à être vraiment l'habitude maintenant des gauchistes français, c'est que après m'avoir fait des invités, non seulement sans le dire, il m'a insulté à l'antenne. Ce qui était bizarre d'ailleurs, parce qu'il a parlé de moi pour m'insulter. Donc les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi, d'un seul coup, il se mettait à insulter Alain Soral. Donc j'ai trouvé très inélégant de me faire désinviter à une émission parce qu'il assumait pas de m'affronter. Et visiblement, peut-être qu'il sentait qu'il faisait pas le poids, au moins sur le plan dialectique. Sur le plan pugilistique, on peut en reparler. Ouais. Et en plus, il m'a insulté, mais c'est pour ça que j'ai mis l'extrait dans ma vidéo, là. Voilà. Parce que du coup, je lui ai fait une réponse, parce que moi, je me bats avec mes armes d'authentique révolutionnaire. C'est-à-dire que j'ai fait une petite vidéo bricolée, que j'ai mis sur Dailymotion, tu sais, que ce site où tout le monde peut mettre des vidéos. Et je lui ai dit ce que je lui aurais dit s'il n'avait pas eu l'inélégance de me faire virer d'une émission de service public. Okay. D'ailleurs, je fais remarquer que ce type était invité pour parler de son programme politique en tant que candidat à la présidentielle sur le service public, puisque c'est la 5. Oui. Le service public lui choisissait des contradicteurs, et il a pu se permettre de me faire virer. C'est-à-dire qu'un candidat révolutionnaire à l'élection présidentielle choisit ses contradicteurs sur le service public. C'est-à-dire que si on veut faire une petite remarque, jamais Jean-Marie Le Pen n'aurait ce genre de privilège, tu vois. Oui. C'est suspect, quoi. Je veux dire, on a en France des révolutionnaires qui sont particulièrement choyés par le système. C'est bizarre, quoi. Exactement. Et donc je lui ai fait une petite réponse que les gens peuvent voir s'ils tapent mon nom sur Dailymotion, une petite vidéo. Et alors ce qui est intéressant, c'est que je vais faire une réponse point par point, je suppose que tu l'as vu, quoi. Oui, je l'ai vu, exactement. Il te traite de clown à vomir. Oui, mais enfin, ça, c'est ce qu'il dit lui, mais moi, après, je lui réponds, pas par des injures, mais par des arguments. Par des arguments. Sur voilà. Sur sa ligne politique, ses contradictions, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et cette petite vidéo a beaucoup circulé, à tel point que maintenant, Alain Krivine, c'est-à-dire son chef, me propose un débat, vous voyez, parce que, à mon avis, ça leur a attiré des... À mon avis, comme on a un peu les... une clientèle en commun, une clientèle de jeunes un peu, on va dire, un peu révolutionnaires, je pense que ça leur a pas fait que du bien, cette mauvaise prestation. Donc le petit Besançon avait dit qu'il refusait de me rencontrer parce que je ne représentais rien, que j'étais qu'un guignol et je sais pas quoi. Mais finalement, son chef, Alain Krivine, qui est le patron de l'FR, lui, me demande à me rencontrer maintenant, dans un débat. Donc qui se fera à la télévision, mais je préfère même pas annoncer ni le jour ni la date, parce que ça peut encore être annulé au dernier moment. c'est une chose commune, oui. Mais normalement, le 4 avril, là, on doit faire un face-à-face avec Krivine. Donc je ne suis pas digne de Besancenot, mais son patron, lui, veut bien affronter. Les gens ont pas l'air d'apprécier ce cher Olivier, si je peux dire cher. Il s'appelle Olivier, quelque chose comme ça. Je pense que, à la limite, il est même très bien apprécié, même trop. C'est-à-dire que c'est un peu comme quelqu'un qui a fait la Star Academy, tu vois. C'est une espèce de figure comme ça, mais médiatico-people que tout le monde aime bien. Je veux dire, c'est ça qui est même louche pour un révolutionnaire, tu vois. Ouais, ouais. Tout le monde le trouve sympathique, gentil. Les journalistes sont très gentils avec lui. Et moi, ce que je sais, c'est bizarre, c'est que il y a un critère en France qui prouve qu'on est dans la subversion, c'est la diabolisation. Quand tu fais de la subversion, tu peux même en parler à la limite même pour Dantec, tu vois, t'as tout de suite des ennuis, tu vois, c'est-à-dire les médias t'allument, quoi, tu vois, tu t'allumes d'une manière ou d'une autre. Et ce mec, ce petit Besancenot, prénommé Olivier, ne se fait jamais allumer, lui. C'est-à-dire qu'il a tout bon, il est parfait, quoi. Et je trouvais ça assez étrange. D'autant plus qu'il a un espèce de CV médiatique, il est employé des postes, facteur, etc. Et qu'il n'y a jamais eu un travail d'enquête des journalistes qui le font sur Jean-Marie Le Pen toute la journée pour lui chercher sur des poux dans la tête, pour démontrer que ce petit Olivier Besancenot doit travailler à la poste chaque fois qu'il y a une caméra de télévision qui vient le filmer. Tout ça est à peu près bidon, tu vois. C'est l'ancien, il est monté en grade en se tapant la fille de Krivine. Maintenant, il sort avec une éditrice de Flammarion qui est l'ancienne meuf de Yves Simon. Donc, il est totalement dans le showbiz people. Il est propriétaire de son appartement. Enfin, c'est-à-dire, fils de prof. On nous demande, Alain, regarde, Krivine, c'est pas le beau-père, là, au facteur, là. Bah ça a été, c'est comme ça qu'il est monté, le petit Krivine. D'ailleurs, ça m'agace un peu, je dirais, je suis même un peu jaloux, parce que... Sois pas jaloux. Il est très laid, on dirait une citrouille fatiguée, on dirait un masque d'Halloween, et il sort quand même avec une blonde assez belle, que je connais, qui est ancienne fiancée du Simon, de chansonnier, écrivain un peu fatigué, et je me dis, ce petit Krivine, ce petit Besancenot doit avoir des talents cachés, parce que il assure niveau gonzesse, il s'est tapé la fille du chef. Maintenant, l'ancienne neuve d'Yves Simon, le côté révolutionnaire bobo, ça doit être la bourgeoise de gauche, tu sais. Alain, juste pour t'aider, ça c'est un terme québécois, pour le planter, c'est-à-dire de le rabaisser encore plus. Moi, je trouvais qu'il avait une gueule de tafiole. C'est ce que vous dites par chez vous, là. Je trouvais qu'il avait... Moi, je suis dans le politiquement correct, hein. Non, moi je le suis pas, Alain. Ce qui me fait rire, c'est qu'il prend des espèces de postures de révolutionnaire, comme s'il était un homme de combat, alors que c'est quand même, on dirait, un petit garçon que sa maman va aller chercher à l'école. Il est drôle, voilà, on va dire. Moi, je sais pas comment il m'a traité de je sais pas quoi, enfin des choses assez agressives, mais moi, je le trouve assez rigolo. On dirait un personnage de bande dessinée, un peu, hein, on dirait un petit personnage de film de Walt Disney, quoi. Je veux dire, à mon avis, il ne fait pas très peur à la bourgeoisie, si tu vois ce que je veux dire, comme révolutionnaire. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est rendu chose commune, comme ça, de pas inviter les gens, et après ça, de les défoncer complètement sur un plateau de télé, c'est normal. Ça fait partie de l'inélégance de toute cette clique de gauchistes issus de mai 68, qui sont mes pires ennemis, si tu l'as bien compris. Oui. Parce que la situation est plus complexe qu'on croit. Qui sont des gens qui sont montés que sur la trahison, c'est-à-dire qui ont voulu en gros doubler à gauche les communistes, les gens du Parti communiste français, faire la révolution, qui finalement se sont retrouvés aux commandes de l'animation de la société de consommation depuis mai 68, qui ont passé tous les pactes d'allégeance possibles et imaginables avec la bourgeoisie d'affaires, tu vois. C'est-à-dire que la LCR dont ce petit Besancenot vient et qu'il représente est l'école même de la trahison de la gauche. C'est-à-dire que les cadres de la LCR historique, à part Krivine qui est le seul, sont tous des sociaux traîtres et ont tous terminé au Parti Socialiste, au MEDEF, dans la pub, à la destruction de la gauche. C'est ça qui est assez drôle. C'est-à-dire ouais. que la LCR puisse encore donner des leçons, c'est inouï, car c'est le mouvement politique de la trahison, tu vois, et de la collaboration, ouais. tu vois, pour quelqu'un de gauche. Plusieurs personnes, Alain, nous disent là que c'est un révolutionnaire mondain. Ben, c'est un bobo, on appelle ça un bobo, nous, tu sais. Okay, d'ailleurs, okay. Nous, on appelle ça un bobo, c'est-à-dire les bourgeois bohèmes. Ouais, et ouais. quand il y a eu la manif, tu sais, pour le CPE en France, okay. on a vu quelque chose d'assez drôle, c'est qu'on a vu les petits manifestants trotskistes de la bande à Besancenot se faire casser la gueule par les mecs de banlieue, tu sais, les loubards de banlieue, oui. alors que ces gens-là prétendent qu'ils défendent les gens de banlieue et qu'ils parlent en leur nom. Et les gens de banlieue les appellent les bolos. Tu sais ce que c'est, les bolos? Allez, vas-y. C'est les bourgeois lopettes. Ah, c'est le nom oh, mon Dieu. Que les mecs de banlieue donnent, que vous appelez vous les islamistes en vous trompant un peu, alors que ce sont des loubards. Les loubards de banlieue appellent, comment dirais-je, Besançon et sa bande, les bolos, les bourgeois lopettes. Les bourgeois lopettes. Ils leur cassent la gueule dans les manifs maintenant, c'est quand même assez drôle. Ouais. Alors que les autres sont des antiracistes qui ont passé tout leur temps à les défendre, et je dirais même à les monter contre les, on va dire, contre les Français de souche. Tu sais, ils ont passé tout leur temps à les monter contre les électeurs du Front National en banlieue. Or, aujourd'hui, il se passe quelque chose d'assez drôle en France, c'est que les électeurs du Front National de banlieue et les loubards de banlieue d'origine nord-africaine s'entendent plutôt bien, parce qu'ils sont tous des patriarcaux et des gens qui ont un soif d'une certaine virilité. C'est ça. Ils sont pas du tout pour Ségolène présidente, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Et pour eux, le mec à virer, c'est celui qui a monté tout le monde contre tout le monde, c'est l'antiraciste professionnel issu de la LCR, c'est-à-dire les Besancenot, qui s'appellent les bolos, les bourgeois lopettes. Les bourgeois lopettes, j'aime ça. On a une espèce de justice immanente et un châtiment, c'est que ce trotskiste qui ont manipulé tout le monde depuis mai 68, et notamment monté les immigrés contre les Français de souche, systématiquement pour foutre la merde, aujourd'hui s'en font botter le cul par les deux, tu vois ce que je veux dire, oui, l'union sacrée et une réconciliation sur leur dos. Je vois très bien ce que tu veux dire, Alain, et on nous dit aussi, mais par contre, il y en a qui sont pas contents de t'entendre parler comme ça, il y en a qui disent... qui traite de sociotraître, là. Comment tu perçois ça, là? Ben, sociotraître, c'est, je dis que la LCR est l'école, parce que sociotraître, c'est un terme de communiste, hein, c'est un terme de marxiste. Oui, oui. Alors, je dis que la matrice de la sociotraîtrise de la gauche communiste en France, ça a été la LCR depuis mai 68. Il faut un peu de culture. Okay. C'est-à-dire que il faut voir que tous les Bernard-Henri Lévy, les Cohn-Bendit, les Glucksmann, etc., qui étaient à gauche de la gauche, maoïste, extrême gauche, enfin, soi-disant révolutionnaire en 68, aujourd'hui sont du côté de George Bush, du côté de Sarkozy, pour la guerre en Irak. Enfin, tu vois, ils ont fait un parcours de trahison absolument abject, tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors que moi je suis dans une continuité, hein. Je suis toujours contre la constitution européenne, contre la guerre en Irak, contre l'impérialisme américain, à la limite, je suis dans une continuité, je suis sur les mêmes fondamentaux. Okay. Et alors que t'as pas changé, en d'autres mots, t'as pas changé. J'ai changé pour ne pas changer. Ok, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être fidèle aux mêmes valeurs, pour défendre le peuple de France, il a fallu malheureusement que je passe du Parti communiste français au Front National, parce que le peuple de France aujourd'hui vote Front National et est défendu par le Front National. Le Parti communiste français ne défend plus que les 3-4 téléphones qui lui restent et de pouvoir payer son gaz et l'électricité en faisant le tapin pour le Parti socialiste qui lui est un parti social-démocrate totalement libéral à la Blair, tu vois ce que je veux dire, oui. Les blairistes, quoi, tu vois. Et les blaireaux d'ailleurs en plus, parce qu'avec Ségolène, ils sont passés de blairistes à blaireaux. C'est-à-dire qu'on va assister en France à l'écroulement du Parti socialiste. C'est-à-dire ce parti. C'est vrai que le Parti socialiste fait très pitié. J'ai de la pitié pour eux. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Son affiche de présidentielle officielle, la France présidente, avec une. Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est inouï. Des gens qui ont réussi à virer de Gaulle, tu vois, et à prendre le pouvoir en France en 80, en s'appuyant d'ailleurs sur les trotskistes de mai 68, oui. tu vois, sont aujourd'hui, ils ont mangé leur pain blanc, là, c'est fini. On va les voir, moi je préconise d'ailleurs que Ségolène sera pas au deuxième tour, et on va voir l'écroulement du Parti Socialiste, là. Hein. C'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment en France. On nous demande, Alain, que fout un marxiste, là, dans un cas nationaliste, là? Eh ben, donc, ces gens-là ont qu'à aller sur mon site internet et lire mes textes. Et exactement comme à l'époque, la bourgeoisie du 19e siècle se servait des nations pour écraser les travailleurs, c'était l'époque du nationalisme impérialiste et guerrier, oui. Aujourd'hui la nation est le cadre qui protège les travailleurs de la mondialisation ultralibérale. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour défendre le peuple de France, il faut remettre en avant la nation, parce que c'est le cadre qui protège le mieux le peuple et les petites gens. Bon, c'est ce qu'on appelle les effets de la dialectique. Je pourrais parler aujourd'hui. Oui. aujourd'hui, il faut défendre la nation pour défendre le peuple. Voilà. À une époque, ça pouvait être différent, 19e siècle, à l'époque des luttes impérialistes entre l'Allemagne et la France, le nationalisme pouvait être quelque chose d'oppresseur pour les ouvriers. Aujourd'hui, on voit bien que c'est l'internationalisme, ce qu'on appelle la mondialisation, qui est violent pour les ouvriers. Et c'est pour ça que je montrais du doigt le petit Besancenot, parce que ces trotskistes étant internationalistes sont les idiots utiles de la libération, de la mondialisation libérale, car en fait, étant donné qu'ils sont contre la nation et les frontières et la protection nationale, ils ont beau prétendre défendre les travailleurs, d'abord ils ne défendent pas les travailleurs français puisqu'ils sont internationalistes, et ils participent au dumping social et à la violence économique libérale, puisqu'ils sont pour la régularisation des sans-papiers. C'est-à-dire que Besancenot est pour la régularisation de tous les sans-papiers, exactement comme Berlusconi, exactement comme Alain Madelin. Il devrait quand même se poser des questions, hein, parce que d'avoir exactement les mêmes idées sur les sans-papiers que les plus grands ultralibéraux d'Europe, il devrait peut-être se dire qu'il se trompe. Donc je pense que soit Besancenot est un imbécile, soit c'est un malhonnête, et c'est pour ça qu'il voulait pas me rencontrer. Ou les deux, Ouais, enfin, moi je pense qu'il est pas si bête que ça. En fait, la LCR gère un fonds de commerce qui sont les étudiants, tu sais, de la bourgeoisie de gauche, qui cherchent un supplément d'âme au moment de leurs études, et qui d'ailleurs après rentrent dans la vie civile et disparaissent totalement de la politique, sauf qu'après, par nostalgie et par culpabilité, ils votent un peu, ils votent Parti Socialiste, tu vois, après. C'est-à-dire qu'en fait, Besancenot gère le bac à sable du Parti Socialiste, tu vois. C'est-à-dire, ils s'occupent des enfants, c'est le jardin d'enfants, quoi. Mais ces gens-là n'ont aucune cohérence politique et économique, parce qu'ils s'adressent à des gens qui sont des gamins, qui n'ont aucune culture, intelligence, politique. Donc effectivement, ils se disent anti-libéraux et pour la régularisation des sans-papiers. Tu vois, okay. N'importe quel type qui maîtrise un peu l'économie comprend que c'est pas absolument contradictoire, tu vois. Ils prétendent défendre les acquis des travailleurs français. Mais c'est un idiot utile. C'est un idiot utile. Lénine appelait ça les idiots utiles. Oui, bien sûr, c'est pour ça. C'est ce que j'ai démontré dans ma petite vidéo. C'est pour ça que les médias et le pouvoir, puisque le pouvoir et les médias c'est la même chose, sont si gentils avec lui. Ah, tu vois, parce qu'effectivement, il fait un bon travail pour le patronat, quoi. Hein. Ok. Il pousse les jeunes de gauche un peu bêtes à être pour la régularisation de tous les sans-papiers en France, c'est-à-dire à participer au dumping social qui est en train de foutre en l'air les acquis sociaux des salariés français. Okay. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la LCR, il n'y a pas un ouvrier. Hein, ouais. C'est-à-dire que la vraie escroquerie, c'est que ces gens-là parlent au nom des ouvriers et montrent du doigt le Front National. En réalité, le premier parti ouvrier de France aujourd'hui, c'est le Front National. C'est le plus gros électorat. Le premier mouvement politique pour qui votent les ouvriers en France, c'est le Front National. Et le dernier, c'est sans doute la LCR, en gros, à part le mouvement de Villiers. Quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un ouvrier la LCR. Hein? On me dit que Besancenot, Alain Besancenot, c'est un fonctionnaire à la poste, c'est bien ça? Est-ce que tu le dis tout à l'heure? Oui, mais alors c'est d'autant plus dégueulasse, c'est qu'il est fonctionnaire des postes, et qu'en tant que fonctionnaire des postes, il est le seul. Saloperie. Il travaille dans le seul secteur d'activité où existe la préférence nationale, okay. Alors qu'il est contre. C'est-à-dire que le seul secteur d'activité en France où la préférence nationale existe, où elle est strictement appliquée, c'est la fonction publique. Donc Besancenot est un fonctionnaire qui bénéficie de la préférence nationale, et il se prétend révolutionnaire internationaliste pour les sans-papiers. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des limites à l'escroquerie. Hein, ben oui, il prend l'argent de l'État, c'est carrément ça, il prend l'argent de l'État. Oui, et puis il bénéficie de la préférence nationale, lui, hein, c'est parce qu'il est, à la poste, il n'y a pas d'étrangers, hein. Tu vois? Alors ouais. Qu'il est pour l'égalité de droit des étrangers, le vote des étrangers à toutes les élections. Ah, c'est ça. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut arrêter de se moquer du monde, hein. révolutionnaire, fonctionnaire, c'est déjà dur à avaler, tu vois. Mais pour la régularisation de tous les sans-papiers et contre la préférence nationale, quand on en bénéficie dans son boulot, tu vois, à un moment donné, il faut mettre ses actes en accord avec ses pensées, tu vois. Hein. Il nous reste quelques. Il était aussi agressif avec moi, tu vois. Probablement. À m'opposer. Comme il n'avait pas d'argument à m'opposer, il m'a envoyé des injures. Ben, la facilité, on se le cachera pas, Alain, la facilité, surtout dans des situations comme celle-là, c'est souvent utiliser des termes pour défoncer l'autre, et surtout quand il n'est pas présent, c'est plus facile, ouais. Ouais, c'est ce qu'il a fait avec toi carrément. Là. Ouais, mais là où ce à quoi il s'attendait pas, les gens de la LCR, c'est que moi j'ai mis ma petite vidéo, elle est sur plein de sites internet. Oui, c'est elle a été vue par plusieurs centaines de milliers de gens. Oui. En France, oui, et oui. Ils ont reçu beaucoup de courriers, la LCR, pour me défendre, de gens qui pensaient être proches d'eux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ont une sensibilité un peu révolutionnaire, mais un peu naïf, qui comprennent que ce que je dis est me rencontrer. Pour un débat. Ils ont pris des coups. Okay. Ils ont pris des coups, là, parce qu'ils ont cru qu'il suffisait de m'écraser la gueule avec la complicité du pouvoir, parce qu'ils en avaient les moyens. C'est-à-dire que eux, effectivement, ont tous les relais du pouvoir, tu vois. Et ça s'est pas si bien passé que ça, donc finalement, le papa Krivine revient pour corriger les erreurs de son fiston de Vancenot, là, de son ancien beau-fils. Parce que je crois maintenant qu'il a fait son OPA par la fille sur le père, je crois qu'il est passé à quelque chose de plus appétissant, visiblement. Là. Ok. Enfin, Alain, parle-nous un peu, de ton expérience au sein du parti de Le Pen. Là. Comment ça se passe là, jusqu'à maintenant? Est-ce que tu trouves ça enlevant? Comment tu apprécies l'expérience? Ben, c'est intéressant déjà, c'est intéressant. Moi, j'ai réussi à... Ça t'a fait découvrir sûrement quelques trucs? Ça t'a fait découvrir sûrement quelques trucs que tu connaissais pas chez toi, qui t'a amené à te développer un peu plus, je sais pas. Non, mais c'est une collaboration intéressante dans le cadre de la présidentielle. N'oublie pas que moi, je travaille dans le cadre de la présidentielle, on fait une campagne. Oui. Moi, mon pari et mon rêve, c'est que Le Pen soit une deuxième fois au deuxième tour. Et je pense que Le Pen, aujourd'hui, est le seul candidat qui peut sauver la France et la République, les autres en n'ayant pas les moyens ou pas le désir. Quoi. Parce que là, en ce moment, Le Pen est assez bon dans les sondages. Est-ce que tu es quand même en... Oui, mais les sondages, tu sais... Oui, c'est ça. La dernière fois qu'il a été au deuxième tour, il était entre 7 et 9 hein, dans les sondages. Hein. Oui, t'as raison, parce que ça s'est produit pour un parti ici au Québec, au niveau du Canada. Il était dernier dans les intentions de vote et il a défoncé la barre parce qu'on était sur... Moi, je connais la France quand même pas mal. Hein, les adultes qui travaillent en France, qui sont dans la société civile et qui ont des femmes et qui ont une femme et des gosses et qui ne sont pas des révolutionnaires, s'ils votent Le Pen, ils ne le disent pas. Hein, je peux te le dire parce que c'est dangereux pour le travail. C'est un fan tatière que des ennuis parce que c'est réellement le parti de la résistance, le Front National. C'est le seul parti où tu as des gros soucis, tu vois. Et donc, les sondages, n'oublie pas que c'est les gens qui répondent, il y a les gens qui refusent d'y répondre, et puis il y a les gens qui mentent. Moi, je suis persuadé que beaucoup de Français qui votent Le Pen, disent dans les sondages qu'ils votent Sarkozy, tu vois, parce que, tu vois, pour pas se faire attraper, quoi. Mais on aura une surprise au premier tour, hein, ça j'en suis persuadé, hein. Hey, je vais te poser une question, Corsé. Je te demande de ne pas donner de réponse, s'il te plaît, Alain, c'est très sérieux, là. Je sais pas, comment trouves-tu Marine Le Pen, là? Désirable, je sais pas? Ah, au moins, je me permettrai pas, je la trouve politiquement, mais je la trouve politiquement performante. C'est un véritable animal politique. Elle est douée pour la politique. Ben oui, ben oui. Et c'est une chance quand même que Le Pen, qui a 78 ans, et qui va encore, à mon avis, rester, parce que je pense qu'il est en forme, au moins 5 ans, et quelqu'un qui porte le même nom que lui, et qui sait faire de la politique, et qui a le goût pour ça, et le talent, tu vois. C'est-à-dire que ça fait une relève. C'est pas mal, on doit s'en réjouir, tu vois. Oui. Donc voilà. Mais je sais pas, un jour, t'as un verre de trop dans le nez, elle aussi, est-ce que ça serait quelque chose de tentant? Ah, moi je suis dans le sérieux, là. Non, réponds pas. Non, franchement, non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, vois. C'est ça. Mais par contre, c'est une personne qui n'a que 38 ans, donc qui est jeune, hein. Oh, c'est vrai? Pour un personnage politique de premier plan, c'est très jeune. Ben oui, c'est vrai. Donc elle est très perceptible, elle a un grand avenir. Et puis en plus, elle est sympa. Je veux dire, c'est ça qu'on découvre quand on se rapproche du Front National, c'est que c'est des gens assez simples et assez sympathiques, tu vois. Effectivement. Moi, j'ai fréquenté un peu tous les mouvements politiques parce que j'étais journaliste, parce que j'ai pas mal bougé. Et je peux dire que l'endroit où il y a les gens les plus sympathiques, les moins prétentieux et les plus accessibles, tu vois, même en termes d'organisation, tu vois, où c'est le plus facile de les rencontrer, qui sont les moins prétentieux, c'est plutôt au Front National, hein. Oui. Au Parti Socialiste, c'est... Je sais pas si un jour tu vas à une réunion où t'as Monsieur Montebourg, tu vois, etc. C'est des gens, on a l'impression que ces gens-là ne sont pas socialistes, mais monarchistes, tu vois. Oh. On a l'impression qu'on est à la cour de Louis XIV, tu vois. Ils sont d'une prétention inouïe, quoi. Et puis, c'est des bourgeois, quoi, tu vois, vraiment. Pourtant... C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup plus de bourgeois au Parti Socialiste qu'au Front National, tu vois. Mais par exemple, Alain, si tu vas sur le terrain, tu es sur le terrain de ton côté, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que les gens parlent du Front National? Est-ce que les gens disent, ouais, ben, j'y pense énormément, et oui, peut-être que oui, je vais... Oui, ça a beaucoup évolué depuis 2002. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une dédiabolisation par le peuple du Front National, où beaucoup de gens maintenant, dès qu'on parle en confiance, disent le Front National a raison, tout le monde les copie, parce que ce qui est dégueulasse en France, c'est que tout le monde dit comme Le Pen, même Ségolène Royal, mais il continue à cracher sur Le Pen. C'est-à-dire qu'il pique toutes ses idées, mais il lui crache dessus quand même, ce qui est quand même dégueulasse. Soit on crache sur quelqu'un parce qu'on crache sur ses idées, soit on reprend ses idées et on admet que c'est lui qui les avait eues avant. Mais là, comme les autres, ce sont des ordures, hein, je veux dire, ils n'ont aucune morale, c'est, ça s'appelle des politiques au sens le plus abject du terme, ils piquent toutes les idées de Le Pen, mais en plus, ils continuent à lui cracher à la gueule. C'est pour ça que je pense que Le Pen sera au deuxième tour. Et ce serait pas... Alain, ce serait pas envisageable de faire un débat Le Pen, Sarko et Ségolène, les trois, là, et vraiment de répartir le temps pour que on puisse... Et vraiment, ça se fera pas, je pense que personne n'a envie... Non, ce qui se fera, par contre, si Le Pen est au deuxième tour, c'est que cette fois-ci, il y aura un débat du deuxième tour. Je pense que le candidat... Si Le Pen est deux fois de suite au deuxième tour, le candidat pourra pas faire ce que Chirac a fait la dernière fois, c'est-à-dire refuser de débattre. Ce qui était absolument dégueulasse, hein. C'était contraire à toutes les principes... De toute façon, Chirac n'a fait qu'une chose bien dans tout son septennat, c'est de refuser de participer à la guerre en Irak. Tout le reste, c'est de la merde. Hein. Tout le monde le sait. C'est un vieux beau. Il n'a jamais fait de politique. Enfin, c'est le président le plus absent de la politique, au sens sérieux du terme, qu'on ait jamais eu. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Il n'a strictement rien fait. Hein. Il est resté 12 ans au pouvoir et il n'a jamais rien fait. Il a regardé la France se dégringoler. C'est inouï, quoi. Peut-être un dernier mot avant de te laisser, peut-être un dernier mot à t'arracher. Qu'est-ce que tu penses de De Villiers genre, en ce moment? De Villiers a comme une grosse erreur, et je te l'avais dit et je l'avais préconisé, c'est qu'il s'est allié aux sionistes en ayant un discours strictement anti-islamiste qui ne correspond pas à la réalité française. Et comme il avait un électorat, on va dire, de province, catholique de province, il s'est coupé de son électorat, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. C'est-à-dire que c'est pas tout d'aller chercher le gros pognon pour avoir des alliés puissants. Quand c'est contre son électorat naturel, on a les sponsors, mais on n'a plus les clients. Mais il a quand même réussi à aller chercher ses 530 signatures. Ouais, on lui les a donné, mais je veux dire, il est à 0, à 1% dans les sondages ou un truc comme ça. Alors c'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi bas, et sa campagne n'a jamais décollé, et il n'intéresse personne. C'est-à-dire et en plus, il n'est plus crédible. Il s'est complètement, c'est-à-dire que je pense que De Villiers n'a plus du tout la stature d'un homme d'État. Il est peut-être un bon gestionnaire de la Vendée, mais il s'est ridiculisé avec cette espèce d'allégeance totale à l'État sioniste et se met à parler... T'es antisémite, Alain, arrête un peu, là, tu pousses un peu le bouchon. Vous comprenez rien, je vous explique, je vous l'avais dit. Ok, c'est juste toi qui comprends, c'est vrai. Pas les gens. L'islamisme n'intéresse pas les gens en France, ce qui intéresse les gens en France, c'est l'immigration et le chômage. Okay. Alors évidemment, il y a des liens, mais c'est pas strictement identique. Villiers s'est positionné sur l'anti-islamisme radical, qui est la position des néoconservateurs, et à mon avis, parce que c'est eux qui l'avaient financé et mandaté, et en faisant ça, il est sorti du jeu politique, et je vous l'avais dit, et c'est vérifié, sinon il serait à 7 ou 8, ou 10 dans les sondages. Or, il est à 1, c'est-à-dire qu'il s'est grillé, voilà. Et alors que Le Pen a joué plus fin, tu vois, et Le Pen, est resté crédible, parce que je pense que Le Pen a toutes les chances d'être au deuxième tour des présidentielles en faisant plus de 20%, tu vois, enfin on dirait ça dans 20 jours. Ça fait combien de temps que le parti de Le Pen existe, Alain, juste à peu près? Depuis 1972. Ben c'est ça, et pour ce qui est de Philippe de Villiers, ça fait combien de temps, est-ce que tu es au courant du nombre? Ça fait quand même 15 ans qu'il est là, hein. Il est là depuis le milieu des années 80, donc c'est pas un premier communiant, tu vois. C'est pas un nouveau. Il a eu à un moment donné il est monté il a pu représenter plus de 5% de l'électorat, peut-être 7-8, et là il est au plus bas qu'il n'a jamais été, et son discours est inaudible, c'est-à-dire qu'il a un peu détruit son espace politique. Comme quoi, il faut faire attention, parce que il a fait la même erreur que Dantec, tu vois. C'est marrant parce que Dantec a fait exactement pareil. Il s'est excité sur les islamistes. Ça lui a permis d'être invité à la télé, ce qui était bizarre d'ailleurs, parce que moi j'étais viré de partout. Ouais, mais et j'étais pas plus extrémiste que lui. Ouais. Mais il n'a pas vendu un livre. Tu vois, mais pour être crédible dans la vie de tous les jours, Alain, là, il faut pas être anti-islamiste, c'est ça? Il faut pour être crédible dans la vie de tous les jours. Non, c'est pas ça. Il faut traiter ce sujet dans la mesure de la gravité de la situation française. Okay. Si on en fait le déterminant principal de la décrépitude de la France, d'un seul coup, on n'est plus crédible parce que c'est un problème, mais ce n'est pas le problème. Or, il y a des gens qui veulent mettre ce problème en avant systématiquement parce que c'est lié aux intérêts, on va dire, moyen-orientaux. Et ça s'appelle, on va pas tourner autour du pot, c'est le lobbysionniste. Le lobbysionniste, ils ont leurs intérêts que je comprends, mais quand ils mouillent un mec comme De Villiers ou même un mec comme Dantec, ils le tuent. C'est-à-dire qu'ils les ont sacrifiés quelque part, parce que leur problème n'est pas le problème des Français, c'est tout. Je vais le redire et le redire définitivement, je ne suis même pas spécialement antisioniste, je m'en fous. Je dis que le problème de la France, c'est pas Israël, voilà. Et que quand on fait croire à un moment donné que la survie de la France passe par la défense inconditionnelle de la droite israélienne, on passe pour un con, ou on passe pour un menteur, on passe pour quelqu'un, on passe pour un escroc, tout ce que tu veux. Et c'est ça le problème. Il faut garder une certaine mesure dans tout ça. Or, des gens comme Dantec ou des gens comme Villiers, qui sont strictement sur la même ligne, en ont trop fait dans l'anti-islamisme, tout, en prétendant parler de la France, et du coup, ils se sont grillés. Ils ne sont pas grillés dans les médias, parce que ça ne grille pas dans les médias, ça je le sais, mais ils se sont grillés auprès de leur clientèle naturelle, parce qu'ils sont passés pour plus très crédibles. Voilà. Et parce qu'effectivement, la réalité existe. Et moi, je dis, il faut doser. Voilà. C'est comme moi, je ne fais pas la défense des musulmans. Je ne dis pas que les musulmans sauveront la France. Ben, des fois, ça donne l'impression que, mais bon. Non, mais l'impression, parce que. Laisse quand même les auditeurs en juger aussi, à peu près. Non, mais c'est là, parce que les types, c'est pas. Le destin du monde occidental et de la France, c'est pas de savoir s'il faut choisir entre les musulmans ou les juifs. C'est que la France a d'autres problèmes, c'est ça que je dis. Et ce problème-là existe en France, mais il est secondaire. Enfin, il est secondaire tout en étant sérieux d'ailleurs, tu vois. Et c'est tout. Et moi, je me suis intéressé à cette question. Oui. Et tout le monde s'est focalisé là-dessus. Et je me suis intéressé à cette question au milieu de 5-6 autres questions et pas plus qu'à d'autres, tu vois. C'est-à-dire, moi, je parle surtout d'économie, de mondialisation libérale, de communautarisme, de féminisme, d'homosexualité. Je parle de tas de choses, tu vois. Et je dis simplement, le problème quand on parle du Moyen-Orient et notamment du problème israélo-palestinien, c'est qu'on est dans l'hystérie et il n'y a plus que des fanatiques d'ailleurs musulmans ou fanatiques sionistes. Or, on ne peut pas être dans le sérieux. C'est pour ça dire que j'essaie de moins en parler maintenant, parce que c'est le seul sujet sur lequel on ne peut pas parler tranquillement, sérieusement. C'est tout blanc ou tout noir. Alors j'ai dit ceux qui ont été dans cette vision totalement extrême. Je pourrais prendre encore des exemples à la gare du Nord. Il y avait des gens, ok, c'est des musulmans. Ils criaient, ils gueulaient, nique la France. Bon, est-ce que c'est des gens qui essaient de faire un show? C'est pas des musulmans, c'est des sans-papiers, c'est des immigrants clandestins. Okay. D'abord, ils sont peut-être animistes, c'est probablement des Africains. Ouais. Mais c'est pas, ça c'est le problème de l'immigration sauvage en France, oui. Oui, ok. Il faut absolument régler ce problème. Ouais. Il faut le régler ce problème, là, t'es d'accord avec nous, là. Mais okay. C'est pas un problème de musulmans, là, c'est un problème de frontières. De sans-papiers. Des lois européennes, c'est le problème de l'espace Schengen, c'est le problème que l'Europe, fait des transferts de population, tu vois, c'est un problème beaucoup plus vaste que le problème musulman. D'ailleurs, je te dis, le truc de la guerre du Nord, ça n'a rien à voir avec des musulmans, là. C'est le problème des clandestins qui vivent en France exactement. Qui sont parasitaires et qui posent des problèmes économiques et des problèmes sociaux et des problèmes graves. Voilà, mais ils pourraient être aussi bien animistes, tu vois. Ils sont rarement musulmans, hein. Et c'est ça que je veux dire. Et s'ils le sont, ça change rien. Ce sont surtout des pauvres du tiers-monde qui déferlent chez nous comme ça, sans pouvoir travailler, sans pouvoir subvenir à leurs besoins. Et nous avons des lois en France de générosité bizarre qui fait que on les attire parce qu'on leur paye la médecine, on leur paye même les transports. Monsieur Huchon, d'après ce que j'ai compris, leur offre le métro, tu vois. Donc on fait venir des gens ici pour accélérer l'écroulement économique de la France et aggraver les troubles sociaux et les troubles ethniques. Donc à un moment donné, il faut arrêter l'irresponsabilité, tu vois ce que je veux dire. Ou alors c'est qu'on veut vraiment que la France s'écroule. Alain, et c'est là d'ailleurs où on revient à notre sujet de départ. Oui, exactement. La LCR, qui sont pour la régularisation totale des sans-papiers, sont des dangers pour la France, quoi. Voilà. Ça devient, on ne sait pas ce qu'ils veulent, quoi. Et Alain, on est déjà en train de dépasser le temps que tu étais supposé nous accorder. Là, je sais qu'on pourrait partir encore une heure comme ça, et ça sans problème. D'accord, bon, voilà, enfin, vous avez compris mon message. Oui, c'est toujours un plaisir de te parler. Vous amusez, vous regardez mon site internet, là, alainsoral.com, oui. Et vous regardez ma petite réponse à Besancenot. Oui. Hein, vous vous amuserez, parce qu'elle est rigolote, non? Oui, ben moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai surtout aimé que le gars tape comme ça, mais t'es pas là pour te défendre, et ça me fait chier un peu. T'as vu comme il m'insulte, c'est inouï. C'est des injures délirantes. C'est du délire, c'est du délire. Et moi, de nazi, je sais pas, Alain, t'es un boxeur, Alain, c'est ça? T'es un gars qui a fait de la boxe, est-ce que t'en fais encore? En fait, il a dit qu'il faisait de la boxe, c'est pour ça que j'ai un peu... C'est mon côté à l'ancienne, je l'ai provoqué en duel. Je lui ai dit, puisqu'il a dit qu'il avait me cassé la gueule et qu'il fait de la boxe, je l'ai invité à ce qu'on se rencontre sur un ring. Alors, il y a vous, il veut un duel, quoi, tu vois. Et est-ce qu'il a accepté? Chevaleresque. Est-ce qu'il a accepté? Comment? Est-ce qu'il a accepté? Je pense pas qu'il acceptera. Oh, mais dommage. Mais ça serait assez drôle. Mais je vais en reparler à Krivine quand je vais le voir. Je vais dire, alors, on le fait ce combat de boxe. Hey, hein? Il faut que tu filmes ça et que tu les foutes une raclée. Oh, même pas, je ne foutrais pas une raclée, mais ça serait amusant de s'amuser un peu, quoi. Ben oui, tout à fait. Allez, voilà, c'est... Non, parce que le pauvre petit Besançon, il mérite même pas une raclée, il mérite la vie qu'une fessée. Hein? C'est vrai, oui, comme un garçon. Hein, comme pour les enfants. C'est ça. Bon, je t'embrasse et même chose. Salut à vous, amis canadiens. Eh ben, c'est toujours un plaisir. Allez, on se reparle bientôt. Oui, à bientôt. Salut. À bientôt. Salut à toi. Au revoir. Alors, c'était Alain Sorel que vous venez d'entendre. Pas toujours d'accord. D'accord. Écoutez, vous envoyez vos réponses via le live@rocket.com. C'est toujours intéressant d'entendre. C'est une autre façon de voir les choses. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. À un moment donné, il y a plusieurs personnes qui nous disent « Oh, mais là, ça n'a pas d'allure, allez ça. » Regardez, envoyez vos questions via le live@rocket.com. Je les ai posées, hein. C'est pas vrai que je les ai pas posées. Je les ai posées. Je lui ai même foutu des choses qu'il aurait pas voulu répondre en temps normal. Restez là, il est 8h43. Eh ben, vous écoutez le show Wake Up, live@rocket.com. Le www.rocket.com, votre station de radio numéro 1 en bas de DQ.